dès qu'elle eut franchi la porte du bar, quand mes yeux ont croisé son regard, j'ai senti dans l'éclair d'une seconde qu'on était tous deux sur la même longueur d'onde. Comme on met une lettre à la poste, j'ai soudain déclenché le jukebox. Puis je l'ai dévisagé sans manière, avec l'air de ne pas en avoir l'air. Mon cœur a fait tilt quand elle s'est avancée et que j'ai pris son bras pour la faire danser. Mon cœur a fait tilt quand je l'ai enlacée. J'en ai eu des frissons de la tête aux pieds. Le jukebox jouait si fort qu'on ne pouvait pas se parler, mais l'accord de nos deux corps révélait bien mieux ce qu'on pensait. Et ma bouche a fait tilt sous le choc d'un baiser. J'ai senti qu'un beau rêve allait se réaliser. Je sais bien, évidemment, c'est bête de s'attacher, mais avec les sentiments, on ne peut pas tricher. Et mon cœur a fait tilt quand je l'ai vu partir, et j'ai tendu les bras pour la retenir. Nos vies ont fait, nos lèvres ont fait, nos